بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد فنبدأ aujourd'hui comme on l'avait dit la semaine dernière par une nouvelle révision de المتن القواعد الأربع. Avant de commencer notre commentaire sur Al-Usul Al-Thalatha. Donc, par la permission d'Allah Azza wa Jalla, on a terminé la semaine dernière l'explication, le commentaire de Al-Qawa'id Al-Arba', les quatre règles de Cheikh l'Islam Mohammed ibn Abdul Wahhab ibn Sulayman al-Tamimi, rahimahullah ta'ala, qui est mort en quelle année ? 1206. Ahsan, 1206. Il a évoqué dans son livre Unwan Sa'ada, c'est-à-dire des points qui sont les points plus de batterie. Les bases du bonheur, quelles sont-elles ? Total. Lorsqu'on est éprouvé de patienter, lorsqu'on nous donne d'être reconnaissant, lorsqu'Allah nous donne d'être reconnaissant, et de se repentir quand on fait un péché. Ahsant, ahsant. En bil arabiya, est-ce qu'il y a quelqu'un en arabe ? Yahmadou. An yaj'alaka mimman idha u'tiya shakar, wa idha ubtuliya sabar, wa idha adhnaba istaghfar. Ahsant, ahsantum, barakallahu fikum. On a dit, on a répété, et ça c'est très important de bien le maîtriser, ce mot-là en particulier, de bien le maîtriser, parce que on va revenir dessus à de nombreuses reprises. On est revenu dessus encore la semaine dernière, et on reviendra dessus quand on expliquera ce que At-Tabarruk, le fait de demander Al-Baraka, comme on a expliqué durant le dernier cours des quatre règles, aussi dans le cours de mercredi. Donc, ce que signifie ce terme Al-Baraka, la bénédiction. Ahsant. En français. Omar. Ahsant. L'abondance des biens et le fait que ces biens perdurent. Restent et perdurent. Al-Ibada. Un terme qui est très important, les frères. Al-Ibada. Ici, les termes qu'on explique ici, bien sûr qu'on a vu durant ce cours, le cours sur le commentaire des quatre règles, on les reverra aussi dans l'Usul Salafa, dans d'autres livres, et maintenant, moi je ne vais plus les expliquer, à chaque fois je vous demanderai à vous de les expliquer pour qu'on se le remémore. Vous verrez que au bout de quelques temps, de peu de temps, peut-être que pour certains d'entre vous c'est déjà le cas, on les a appris et on les a maîtrisés ces termes-là. Et on peut ainsi les appliquer dans notre vie de tous les jours, car c'est le but de l'apprentissage. Comme on va le voir ici dans l'Usul Salasa, dans les quatre points d'ouverture du livre. Mourola. Al-ibada ismun jami' li kulli ma yuhibbu Allah wa yarda min aqwal wal a'mal al-zahira wal batina. Ahsant, ahsant, barakallahu fik. En français, les frères. Pardon. C'est un nom qui regroupe tout ce que Allah aime et agrée, comme parole et acte. Ahsant, barakallahu fik. On a parlé de At-Tawhid. Qu'est-ce que At-Tawhid? Karim. Ahsant, ifradullahi bil-ibada. En français. Idrissa. Par son adoration. Ahsant, barakallahu fik. Al-Wali, on a parlé de Al-Wali. On a traduit, ou qui est traduit communément par le l'allié ou le bien-aimé d'Allah Azza wa Jal. Kenzi. Al-Mu'minu At-Taqi, le croyant pieux. Ahsant. On a dit que si une personne invoque des idoles, pierres, arbres, etc., ceci était du shirk. Et si cette personne invoque un ange ou un pieu ou un prophète, etc., à ce moment-là, ce sera Ahsantum. Ça, c'est une des bases, une des grandes bases de l'étude de ce livre. Comme vous, vous le rappelez sûrement, c'est le but de la troisième règle de Cheikh, Cheikh al-Islam, rahimahullah, le fait de mettre en évidence qu'il n'y a pas de différence entre l'adoration d'une chose inutile, d'une chose insignifiante, et l'adoration d'une chose parmi, ou d'une créature parmi les meilleures des créatures, comme par exemple le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dans tous les cas, cela sera une adoration qui sera vouée à autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala, et ce sera du shirk, et cela rentrera dans le shirk, l'association. Une personne qui prie et qui a sur lui une impureté. Il prie et il a sur lui, sur ses vêtements, une impureté. Il le sait bien sûr qu'il a cette impureté, pour ne pas rentrer dans des règles jurisprudentielles qui ne sont pas le but. Une personne qui prie, qui sait qu'il a une impureté sur lui, quel est le jugement de sa prière? Hein? Non valide. Non valide. Ahsantum. Et une personne qui prie et qui adore autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala, quel est le jugement de ses actes d'adoration? La même chose. Cela aussi, comme vous le rappelez sûrement, c'est le but, c'est ce qui était visé par Cheikh al-Islam dans son introduction de ce livre, Al-Qawaid al-Arba. Rappelez, s'il vous plaît, quelques illustrations de l'adoration des gens de l'époque anti-islamique. Vous vous rappelez le dernier cours, on a rappelé quelques illustrations comme ça, une ou deux, si vous vous rappelez. C'est une trentaine. Le hadith, quand sortait avec le prophète sallam et la fenêtre, et qu'ils ont vendu des certaines. Je parlais pas de ça. Je parlais de certaines illustrations qu'on a évoquées. Comment ils se comportaient avec leurs idoles. Ce qu'on a rapporté des paroles de Sahaba, radiallahu anhum, comment, de quelle manière ils se comportaient avec leurs idoles à l'époque anti-islamique. Omar. Ahsant. Nous voyons ici la manière dont ils avaient de se comporter avec ces idoles qu'ils adoraient, à qui ils vouaient une adoration en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala. Lorsqu'ils trouvaient meilleur que elles, plus jolie, plus préférable à leurs yeux, comme par exemple avec des pierres de couleur blanche, comme on l'a dit. Ils aimaient les pierres de couleur blanche à cette époque. Quand ils trouvaient une pierre blanche, eh bien, ils la prenaient en idole. Une autre illustration, les frères. Ahmadou. Par exemple, quand ils étaient en voyage et qu'ils perdaient ces pierres-là, ils se mettaient à la recherche. Et par exemple, il y a quelqu'un qui peut dire, on a vu notre Seigneur salir, il trouvait quand même trouvé notre pierre qui était semblable. On a trouvé notre divinité ou quelqu'un qui lui ressemble. Qui lui ressemble, l'Ahsant, barakallahu fik. Comme on l'a évoqué, donc cette parole de ce sahabi qui disait qu'ils étaient en voyage ou qu'ils avaient perdu donc leur idole, et ils demandaient, allez chercher notre idole, recherchez-la. Ils cherchaient jusqu'à ce qu'une personne trouve et dit, j'ai trouvé votre Seigneur, ou dans tous les cas quelque chose qui lui ressemble. Et ils étaient contents de cela et ils revenaient à son adoration. Et dans la parole de ce sahabi, le fait qu'ils ont même sacrifié un chameau pour cette idole au moment où ils l'ont retrouvé. Comme cela, ce qui est rapporté de Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, qu'ils avaient à cette époque des idoles faites de dattes, et que lorsqu'ils avaient faim, ils mangeaient une petite partie de leurs idoles. Ces idoles qu'ils adoraient en dehors d'Allah Azza wa Jalla. Mais quelle était cette adoration? Comment, ou que croyaient plutôt, ma question ici, quelle était la croyance des gens de l'Jahiliya dans leurs idoles? Dans leurs idoles ou dans les choses qu'ils adoraient dans Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karim. Ils adoraient en dehors d'Allah pour les rapprocher d'Allah. Ahsant. Pour les rapprocher, donc ils demandaient le fait que ces idoles les rapprochent d'Allah. Ou, la deuxième chose, Al-Shafa'a. Al-Qurba. Ou Al-Shafa'a, c'est-à-dire l'intercession. Ahsant. Mais l'intercession, on terminera sur cela. On a décrit ce qu'était l'intercession. Et on a rappelé les sortes d'intercession et les conditions de d'une de ces deux sortes d'intercession. Rappelez-moi juste les deux sortes d'intercession qu'on a étudiées et ces conditions. Enfin, c'est les... Al-Manfiya ou Al-Musbata en français Celle qui est acceptée, agréée, celle qui est refusée, rejetée. Donc Al-Manfiya, celle qui est rejetée. Celle qui est Al-Musbata, celle qui est affirmée. Quelles sont ces conditions? On a évoqué les conditions de celle-ci. Quelles sont ces conditions? Kamel. La permission d'Allah, le fait qu'il soit ravi, qu'il agrée celui pour qui on intercède. Ahsan. Celui qui intercède comme pour celui pour qui on intercède. Ahsan, ces deux conditions-là, qui sont les conditions de Al-Shafa'a, Al-Muthbata, l'intercession acceptée et agréée. وإلى هنا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآخر دعوانا الحمد لله